sais pas. Je ne sais pas s'il faut croire ou douter. Comment saurais-je s'il faut se taire ou bien chanter, s'il faut se taire ou bien crier. Je ne pense qu'à t'aimer. Serais-je ce qui est obscur ou bien clair, ce qui est l'endroit ou l'envers, ce qui est le noir ou la lumière. Je ne pense qu'à t'aimer. Oui, je veux t'aimer.